الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. La radd li qada'ih. Personne ne peut repousser sa décision. Wa la mani'a li ata'ih. Et personne ne peut interdire ses dons. Fa'alun lima yurid. Faiseur de ce qu'il veut. Wa huwa al-'azizu al-majid. Et il est le Tout-Puissant et Glorieux. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Dieu le Très-Haut dit أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ولا أذن سمعت et ce qu'aucune oreille n'a entendu, ولا خطر على قلب بشر et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. ثم قال et par la suite il a poursuivi. وَقَرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ Et si vous voulez, lisez le verset coranique, aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Mala'inun ra'at. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, wala udhunun sami'at, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, wala khatara 'ala qalbi bashar, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Inna Allah a'adda lis-salihin, a'adda al-jannah lis-salihin. Dieu le Très-Haut a bien préparé le paradis pour les vertueux. « Wa anta akhi, wa anti ukhti, et toi frère, et toi sœur, mada a'adatta litakuna min ahli al-jannah » Qu'est-ce que tu as préparé pour être parmi les gens qui entreront au paradis ?« Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan rasulullah as-sadiqul amin » Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et digne de confiance. Il a enseigné à la nation d'Islam la patience devant l'épreuve. Il dit que la patience est une lumière, est une lueur de lumière. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim. As-sabru nurun yazulu bihi dhalamul azmat. La patience est une lumière qui élimine l'obscurité ou les ténèbres des crises. Wa a'tana mithalan ala jazaa'i as-sabr. Il nous a donné un exemple de la récompense de la patience. Qailan inna Allah azza wa jalla qala en nous racontant que Dieu, le Très-Haut, a dit « إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ بِمَعْنَ بِعَيْنَيْهِ أَخَدْتُ لَهُ عَيْنَيْهِ مَا بَقِيَ يَرَى وَلَا يَنْظُرُ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ مَعْنَ عَيْنَيْهِ فَصَبَرْ Lorsque j'éprouve mon serviteur dans ses deux bien-aimés, ça veut dire ses yeux, je le prive de la vue, et il supporte avec patience عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ En contrepartie, je lui donnerai le paradis. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra au nom des sables du désert, wa auladi Adam wa Hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. Après ceci, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Pendant ces dernières années, nous avons vu plusieurs catastrophes, plusieurs malheurs et calamités dans le monde entier. Hurouban, des guerres. Amrad, mu'diya, des maladies contagieuses. Jafafan, des sécheresses. Fayadanat, des inondations. Wa amwaj, tsunamiya, et des vagues tsunamiques. رأينا العواصف, nous avons vu des tempêtes. رأينا تلوث البحر والشواطئ, nous avons vu aussi la pollution des mers et des plages. ورأينا كذلك إرهابا يضرب في كثير من نقاط العالم. Et de la même manière, nous avons vu un terrorisme aveugle qui a frappé plusieurs points du monde. Par exemple, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et d'autres. Et je profite de cette occasion pour dire aux jeunes, il n'y a pas en islam une chose qui s'appelle le terrorisme. الذين يتلاعبون ببعض الشباب. Méfiez-vous de ceux qui manipulent quelques jeunes. إذا قال لك أحد لماذا لا تقوم بالجهاد. Si quelqu'un te dit pourquoi tu n'accomplis pas le devoir du jihad, قل له, dis-lui, أنا أقوم بالجهاد كل يوم. Moi j'accomplis mon jihad chaque jour. فجهادك هو دراستك. Ton jihad est tes études. جهادك هو عملك. Ton jihad est ton travail. هو جهاد نفسك. الأمارة بالسوء est le jihad de ou la lutte contre ton âme instigatrice du mal. أما أن تقتل الأبرياء. Mais par contre, le fait de tuer des innocents, لتلقى الله ويداك ملطختان بالدم, afin de rencontrer Dieu avec des mains tachetées par le sang, فإن الله يقول في آية كريمة. Dieu dit dans un verset coranique, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue intentionnellement un croyant, sa récompense sera l'enfer pour l'éternité. Dieu l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un supplice énorme. ربما قائل يقول انا لا اريد ان اقتل المؤمن. ربي يقول ومن يقتل مؤمنا. Quelqu'un va dire, moi je cherche pas à tuer un croyant, parce que Dieu dit celui qui tue un croyant. انا اريد قتل غير المؤمنين. Moi je cherche à tuer les non croyants. فان الله يقول له. Dieu lui dit dans un verset coranique, من قتل نفسا نفس مؤمنة أو غير مؤمنة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Celui qui a tué un être sans que un être, qu'il soit musulman ou non musulman, celui qui a tué un être sans que ce soit pour un meurtre ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. فالعدوان على نفس واحدة, l'agression contre une seule personne, عدوان على البشرية جمعاء, est une agression contre l'humanité entière. هذا هو الإسلام. Tel est l'islam. أتدرون ما هي عقوبة الإرهابيين في القرآن الكريم؟ Saviez-vous quelle est la punition pour les terroristes dans le Coran؟ وبطبيعة الحال هناك فرق بين المقاومين والإرهابيين. Et bien sûr, il y a une certaine différence entre les gens qui font la résistance et les terroristes. عقوبة الذين يقومون بالإرهاب ويزرعون الخوف في المجتمعات الآمنة. La punition pour les gens qui sèment la terreur dans les sociétés en sécurité. قال تعالى في سورة المائدة. Dieu dit dans le chapitre La Table Garnie. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله هذا الذي يقومون هؤلاء الذين يقومون بالإرهاب هم يحاربون قال الله عنهم يحاربون الله ورسوله رغم أنهم يحاربون ناس مثلهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. La seule récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et à son messager, Dieu a qualifié les terroristes comme des gens qui font la guerre pas aux gens, mais à Dieu et à son messager. La seule récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et à son messager est qu'ils s'efforcent de semer la corruption en terre et qu'ils soient massacrés ou crucifiés ou qu'on leur coupe successivement les mains et les pieds par ordre croisé ou qu'on les bannisse du pays. Al-qatl liman qatl, le massacre pour celui qui a tué. Al-qatl was-salb liman qatala wa akhadha amwal an-nas, le massacre plus la crucification pour celui qui a tué et qui a volé les biens des gens. تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف لمن أخذ الأموال فقط نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى La coupure des mains et des pieds par ordre croisé pour celui qui a volé les biens des gens c'est-à-dire il n'a fait que voler uniquement il n'a pas tué on coupe sa main droite et son pied gauche والنفي مع الحبس لمن أخاف الناس فقط لم يأخذ أموالهم ولم يقتلهم فقط أخافهم et le bannissement plus l'emprisonnement pour celui qui a uniquement effrayé les gens c'est-à-dire sans les avoir tués ou volé leurs biens يقول الله من بعد Dieu dit dans la suite ذلك لهم خزي في الدنيا cela est pour eux un nom propre dans ce monde une humiliation et ils auront dans l'autre de très grands tourments un châtiment dans ce bas monde et un châtiment plus dur encore dans l'au-delà réservé aux terroristes l'islam دين حارب الإرهاب. L'islam est une religion qui a combattu le terrorisme. ولم يأمر بالإرهاب. Et il n'a pas ordonné le terrorisme. والآن يتهم الإسلام ظلما بأنه دين إرهاب. Et maintenant on accuse à tort l'islam comme quoi c'est une religion de terrorisme. فالمطلوب من الشباب ce qu'on demande aux jeunes, فهم دينهم, on leur demande de bien comprendre leur religion, فهما صحيحا, une compréhension correcte, وليس فهما منحرفا, et non pas une compréhension erronée ou égarée. وأعود الآن إلى المصائب, et je reviens maintenant aux calamités ou bien aux catastrophes qui frappent le monde ou les individus. السؤال الأول, la première question, ما هو مصدر كل المصائب, quelle est l'origine de toutes les catastrophes ou bien de tous les malheurs, هل مصدرها الطبيعة فقط كما يظن البعض, est-ce que l'origine des malheurs est la nature comme le pensent beaucoup de gens, الجواب, la réponse, كل المصائب تأتي من الله, tous les malheurs, toutes les catastrophes viennent de la part de Dieu. بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ, par ordre de Dieu. وَمَنْ قَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْمَصَائِبْ لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِاللَّهِ فَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الْكُفْرِ. Celui par les musulmans qui dit que les calamités ou les catastrophes ou les malheurs n'ont aucun lien avec Dieu, ceci s'appelle une sorte de mécréance. من قال هذا الكلام فقد اتهم الله بأنه لا يتحكم فيما يجري في هذا العالم. Celui qui dit ceci ou qui le répète accuse Dieu comme quoi il ne maîtrise plus ce qui se passe dans le monde. خلق معنى خلق العالم ثم أصبح غير قادر على سيطرته أو على السيطرة عليه. Ça veut dire en quelque sorte Dieu a créé le monde et il est devenu avec le temps incapable de le maîtriser. هناك معنى هناك أشياء خرجت عن سيطرة الله تعالى وتبارك. Ceci signifie qu'il y a des choses qui ont dépassé la maîtrise de Dieu. بمعنى هناك حوادث في ملكوت الله يموت فيها الناس. Ça veut dire qu'il y a des événements, des épreuves dans le royaume, des accidents dans le royaume de Dieu qui ont lieu et dans lesquels des gens meurent. Et ceci arrive sans qu'il ne le sache. Et ceci arrive sans ses ordres. Et ces choses n'ont aucun lien avec Dieu. هذا الكلام لا يقوله إلا من ليست له عقيدة إسلامية. Ce genre de parole ne peut être dite que par des gens qui n'ont pas une foi musulmane. اسمعوا ماذا يقول الله في آية قرآنية عن نفسه. Écoutez bien ce que Dieu dit à propos de lui-même dans un verset coranique. ويعلم ما في البر والبحر. Il sait ce qui est en terre et en mer. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Et il ne tombe pas une feuille, ça veut dire d'arbre ou de plante, et il ne tombe pas une feuille sans qu'il ne le sache. أي ورقة تسقط من شجرتها. N'importe quelle feuille qui tombe de son arbre, qui tombe morte. في أي زمان وفي أي مكان, à toute époque, à tout lieu, في ظلام الليل, dans l'obscurité de la nuit, أو في ظلام البحار والمحيطات, ou bien dans les ténèbres des mers et des océans, لا تسقط هذه الورقة إلا بعلم الله. Cette feuille, là où elle tombe, elle ne tombe que selon le savoir de Dieu. هذا هو ربكم. Tel est votre Seigneur. بكل شيء عليم. Il est au courant de toute chose. الأوراق, أوراق الأشجار, تسقط ميتة بعلمه. Les feuilles mortes des arbres tombent après son, ou selon ou conformément à son savoir. والجثث تسقط ميتة بالزلازل والمصائب بغير علمه. Et les corps humains tombe mort après des séismes ou après des accidents et des catastrophes et sans qu'il ne le sache. La, non, la yumkin, il n'est pas possible de dire ceci. فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ بِإِذْنِهِ وَعِلْمِهِ Toute chose qui a lieu dans le monde est selon son autorisation et son savoir. اسمعوا ماذا يقول الله عن المصائب. Écoutez ce que Dieu dit à propos des catastrophes. يقول في آية قرآنية. Il dit dans un verset coranique. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Il n'est de calamité qui vous touche dans vos terres ou dans vos propres personnes qui ne soit déjà inscrite dans un livre avant même que nous la créions. يقول ومن بعد إن ذلك على الله يسير. Cela pour Dieu est chose facile. ما من مصيبة ابتداء من الشوكة الصغيرة التي تضرك. Il n'y a pas un malheur en commençant par la petite épine qui te fait mal. وانتهاء بالمصائب التي تقتل الآلاف. Jusqu'au point d'arriver aux catastrophes qui tuent des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. كل هذه المصائب في كتاب الله قبل خلق البشر. Toutes ces catastrophes se trouvent dans un livre de Dieu avant même la création des humains. من قبل أن يبرأها avant qu'il la crée. من قبل أن يأتي بها avant que Dieu la porte. Ça veut dire la catastrophe. فالمصائب لا تأتي من نفسها. Les catastrophes ne viennent pas ou les malheurs ne viennent pas d'eux-mêmes. بل يأتي بها الله mais plutôt c'est Dieu qui les apporte. قال قال تعالى في آية أخرى. Dieu dit dans un autre verset coranique. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Une calamité ne frappe qu'avec l'autorisation de Dieu. المصائب التي ترى في العالم كلها بإذن الله وليس بإذن الطبيعة. Tous les malheurs que tu vois dans le monde sont après une autorisation, arrivent après une autorisation de Dieu et non pas après une autorisation de la nature. إِنَّهَا كَوَارِثْ إِلَهِيَّ Il s'agit de catastrophes divines وَلَيْسَتْ كَوَارِثْ طَبِيعِيَّ et non pas des catastrophes naturelles. إِذَا اسْتَطَاعَ الْعِلْمُ الْحَدِيثِ أَنْ يَشْرَحَ ظَوَاهِرَ بَعْضَ الْكَوَارِثِ Si la science moderne a pu expliquer quelques phénomènes de quelques catastrophes, فهذا لا يعني أنها صارت طبيعية. Ceci ne signifie pas que les catastrophes sont devenues naturelles, ولا علاقة لها بالله. Et ceci ne signifie pas que ces catastrophes n'ont plus aucun lien avec Dieu. هذا هو الخطأ. Telle est l'erreur. العلم الذي توصلنا إليه ni'matun min Allah. Cette science que nous avons connue est une grâce de la part de Dieu. فالله هو الذي علم الإنسان. C'est Dieu qui a enseigné à l'homme. قال تعالى. Dieu dit dans un verset. الذي علم بالقلم. Qui a enseigné avec la plume. علم الإنسان ما لم يعلم. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. ويجب أن نشكر الله على نعمة العلم. Et on doit remercier Dieu pour cette grâce du savoir. وأن لا نكفر بالعلم. Et on ne doit pas devenir mécréant à cause de la science. هناك من العلم دله على الله. Il y a des gens qui ont été guidés vers Dieu grâce au savoir. وهناك من العلم أبعده من الله. Et par contre, il y a des gens qui ont été éloignés de Dieu à cause de leur savoir. العلم من غير إيمان ناقص. La science ou le savoir sans foi à côté est incomplète. والإيمان من غير علم ناقص. Et la foi sans science ou savoir à côté est incomplète. وعلى كل حال العلماء الحقيقيون هم الذين يخافون الله. Tout état de cause, les vrais savants sont ceux qui craignent Dieu. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Seuls craignent Dieu de tous ses serviteurs, les savants. As'alu su'alan thaniyan, je pose maintenant une deuxième question. Kam 'adad anwa' al-masa'ib? Quel est le nombre des types de malheurs? Al-jawab, la réponse, hunaka naw'an min al-masa'ib. Il y a deux types de malheurs. Al-naw' al-awwal, le premier type, masa'ib ala shakl 'uqubat, des malheurs sous forme de punition. Wa atasa'al ma sabab hadhihi al-'uqubat? Et je m'interroge, quelle est l'origine ou la cause de ces punitions? Al-jawab, hiya dhunub al-'ibad. La réponse, la cause est les péchés, la désobéissance des créatures. Fal-kawarith allati naraha fil barr wal bahr, toutes les catastrophes vues sur la terre ou bien dans la mer, يقول الله عنها في آية قرآنية, à propos de toutes ces catastrophes, Dieu dit dans un verset coranique, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر, هذه المصائب تظهر في البر والبحر, لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس من ذنوب, ليذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله. La corruption, c'est-à-dire les catastrophes, les malheurs, la corruption est apparue sur terre et dans la mer parce que les gens ont acquis de leurs propres mains afin qu'il leur fasse, ça veut dire Dieu, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait, peut-être reviendront-ils. سبب المصائب البرية والبحرية والجوية هي ذنوب الناس. La cause de toutes les catastrophes terrestres, aquatiques, aériennes sont les ou les causes sont les péchés des gens. Mais كسبت أيدي الناس من معاصي, ce que les mains des gens ont acquis comme péché. وأتساءل, je m'interroge, ما هي أو ما هو الهدف من العقوبة? Quel est le but de la punition venant de la part de Dieu? الجواب, la réponse, الرجوع إلى الله, le retour vers Dieu. التوبة إلى الله, le repentir à Dieu. لعلهم يرجعون, peut-être reviendront-ils. الهدف هو مغفرة الذنوب, le but recherché par Dieu, c'est l'absolution des péchés. من تاب غفر الذنوب, celui qui se repent verra ses péchés pardonné, effacé. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et saillie sur lui, dit, ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. N'importe quel malheur qui touche le musulman, Dieu pardonne ou lui pardonne ses péchés grâce à ce malheur, même la petite épine qui le touche. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Unduru ila rahmat Allah, regardez la clémence ou la miséricorde de Dieu. Uquba ilahiyya banna'a, une punition divine constructive, et non pas destructive. Uquba tarbawiyya, une punition mais éducative. Walakin idha qulna linnas bi anna al-masa'ib 'ibara 'an kawarith tabi'iyya, falan yufakkira an-nas fi Allah ta'ala wa tabarak. Mais lorsque aujourd'hui on dit à l'humanité que les catastrophes qu'on voit sont des catastrophes naturelles, personne ne pensera à Dieu. Walan yarji'u ila Allah, et personne ne reviendra vers Dieu. Walan taqum al-'uquba al-ilahiyya bidawriha, et la punition divine ne jouera pas son rôle. Wa sha'at kadhalika rahmatullah an la takuna al-'uquba 'ala kulli ad-dhunub, et la volonté de Dieu a voulu que la miséricorde de Dieu a voulu que la punition ne soit pas donné pour tous les péchés commis par les gens, walakin ala ba'dihi, mais uniquement pour quelques péchés. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, afin qu'il leur fasse goûter une partie. et non pas la totalité, une partie de ce qu'ils ont fait. وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى كُلِّ الذُّنُوبِ. Et si Dieu a voulu punir l'humanité pour la totalité des péchés, لَمَا تَرَكَ أَحَدًا عَلَى الْأَرْضِ. Il ne laisserait personne sur la terre. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Dieu tenait rigueur aux gens de leurs acquis, c'est-à-dire de leurs péchés, il ne laisserait à sa surface, c'est-à-dire de la terre, il ne laisserait à sa surface aucun être vivant. وَلَكِنَّ رَحْمَتَهُ جَعَلَتْهُ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الذُّنُوبِ. Mais sa miséricorde se traduit par le pardon de beaucoup de péchés. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous atteint comme malheur, vous ne le devez qu'aux acquis de vos propres mains, c'est-à-dire à vos péchés, et il pardonne bien des choses. وَلَكِن لما لا تنفع العقوبات في إرجاع الناس إلى ربهم. Mais je souligne une chose, lorsque les punitions ne sont plus capables de faire revenir les gens vers leur Seigneur, ويفضل الناس البعد عن الله, et les gens préfèrent l'éloignement de Dieu, والظلم préfèrent l'injustice, والمعاصي préfèrent vivre dans la désobéissance à la tawbah au lieu de se repentir, يهلكهم الله كما أهلك قوم نوح. À ce moment-là, Dieu les anéantit tous comme il a fait pour le peuple de Noé ou قوم فرعون et comme il a fait au peuple de Pharaon ou غيرهم. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, nous les anéantîmes ensuite à cause de leurs péchés, وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, et nous créâmes après eux une génération nouvelle. هَذِهِ هِيَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَةِ. Telle est la loi ou la sunna de Dieu dans les punitions dans ce bas monde. وَهَذِهِ سُنَّةَ تَجْدِيدِ الْأُمَمِ, et telle est la sunna du renouvellement des nations. وَنَسْأَلُهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ, et on lui demande le pardon et d'être préservé. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, نمر إلى النوع الثاني. On va passer maintenant au deuxième type, وهي مصائب على شكل ابتلاء, et il s'agit de malheurs sous forme d'épreuves. فإذا كانت مصائب العقوبات لا تمس إلا العصاة والكافرين, si les malheurs sous forme de punition ne touchent que les désobéissants et les mécréants, فمصائب الابتلاء لا تمس إلا المؤمنين, les épreuves ou les malheurs sous forme d'épreuves ne touchent que les croyants. وأشد الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, et comme l'a dit le prophète, prière et salut sur lui, أشد الناس بلاء هم الأنبياء, les gens qui subissent les plus grandes épreuves sont les prophètes, et les prophètes ne commettent pas de péché. يعني الأنبياء لا يقومون بذنوب, هم معصومون, ورغم ذلك أكبر الابتلاءات تمس الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل, et après les épreuves touchent les gens selon un ordre décroissant de la foi. فيبتلى الرجل حسب دينه, Et l'homme sera éprouvé selon le degré de sa religion, comme l'a dit le prophète, prière et salut sur lui. Rawah al-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui l'a authentifié de bon et authentique. Ma'na idha kanat la tamassuk al-ibtila'at, fatasa'al hal anta mu'min am la. Ça veut dire, si tu subis pas dans ta vie des épreuves de la part de Dieu, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment un croyant ou pas ? فسبب مصائب الابتلاء ليست ذنوب. La cause des malheurs sous forme d'épreuves ne sont pas les péchés. لأن الأنبياء معصومون من المعاصي. Parce que les prophètes sont protégés contre la désobéissance. والهدف منها هو اختبار الإيمان. Mais le but de ces épreuves ou de ces malheurs sous forme d'épreuves est le test de la foi. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, afin que Dieu éprouve ce qui est dans vos poitrines et purifie par l'épreuve le contenu de vos cœurs. Wallahu alimun bi dhati as-sudur. Dieu connaît parfaitement la vraie image des poitrines. Wa huna atrahu as-su'al at-tali. Et là je pose cette question, kam adad anwa' al-ibtila? Quel est le nombre des types d'épreuves? Yujib an hadha as-su'al Allah ta'ala wa tabarak. C'est Dieu qui va répondre à cette question par un verset coranique, bi aya qur'aniya. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et c'est à nous que vous serez retournés. فَهُنَاك نَوْعَان مِنَ الْإِبْتِلَاء. Il y a deux types d'épreuves. الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. Le bien ou le mal. وَالْخَيْرِ هُوَ كُلْ مَا تُحِبُّهُ النَّفْسِ. Et le bien, c'est toute chose aimée par la personne, elle-même, l'argent ou bien les biens. Al-zawaj, le mariage. Al-awlad, les enfants. Al-jah, le pouvoir. Al-amn, la sécurité. Al-siha, la bonne santé. Allah yu'tika al-siha, walakin ibtila. Allah yu'tika al-zawja, walakin ibtila. Hada khayr, walakin ibtila. Dieu te donne la bonne santé, mais il s'agit d'une épreuve pour toi. Dieu te donne une épouse, c'est-à-dire tu arrives à te marier, mais il s'agit d'une épreuve pour toi, même si tu vois que c'est un bien. Al-najah, parfois il y a le succès, la réussite. Al-farah, la joie. Al-sa'ad, le bonheur, etc. ila akhiri. Wa-shar, huwa ma takrahuhu an-nafs al-bashariyya. Et le mal, c'est toute chose détestée par la personne. Wa qad bayyanahu Allah lil-mu'minin fi hadhihi al-aya. Et Dieu a montré le mal dans ce verset coranique. Wa lanabluwannakum bi shay' qalil. Allah yabtalik bi shay' qalil, ma yabtalik bi shay' li'annahu ar-rahim ar-rahman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. الابتلاء يكون بشيء من الخوف, إما يخيفك يأتيك بعدو يخيفك, وإما الجوع ما تجد ما تأكل كما يصير في العالم كله الآن. ونقص من الأموال, وإما الأموال تنقص ما تبقى لها قيمة, وإما يمشي المال, وإما الأنفس يموت لك أبوك, تموت لك أمك, زوجتك, زوجك, وإما الأنفس, وإما الثمرات, وإما لا يسقط المطر وتمشي كل ما حرت يمشي ضائعا, أو الثمرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Nous vous éprouverons sûrement par un peu. Dieu a dit un peu et n'a pas dit beaucoup, parce qu'il est clément et miséricordieux, par un peu de peur, de famine et de réduction des biens. Des personnes lorsqu'il y a la mort, des personnes et des récoltes. وبعد ذلك يتوجه الله للمؤمنين الذين تمسهم مصائب الابتلاءات ليبين لهم كيف يتصرفون. Et par la suite, Dieu s'adresse aux croyants qui sont éprouvés pour leur montrer comment doivent-ils agir face aux épreuves. وماذا يقولون عند المصيبة؟ Et que doivent-ils dire lors de l'épreuve؟ وما هي جائزتهم؟ Et quelle est leur récompense؟ يقول تعالى, Dieu dit dans la suite, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et annonce la bonne nouvelle aux patients. يعني تصرف بصبر عند المصيبة, c'est-à-dire tu dois agir par patience, tu dois supporter avec beaucoup de patience l'épreuve qui vient de la part de Dieu. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, lorsqu'une calamité les touche, disent « Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. » أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Ceux-là ont sur eux des bénédictions de leur Seigneur ainsi qu'une miséricorde. Et ce sont ceux-là les bien guidés. Ce qui est demandé aux croyants devant l'épreuve, s'il s'agit d'un bien, il doit remercier Dieu. والنعمة التي يعيش فيها, il doit savoir que le bonheur ou la grâce dans laquelle il est en train de vivre, لم يصل إليها بجهده ولكنها من الله. Comme quoi ce bonheur ou cette grâce n'est pas acquise grâce à ses propres efforts, mais plutôt grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. والابتلاء من الله كذلك, et l'épreuve est de la part de Dieu. كيف سيتصرف؟ Comment doit-il agir؟ هل سيشكر أم سيكفر؟ Va-t-il remercier grâce à la grâce ou va-t-il devenir mécréant وسينسى الله et va-t-il oublier Dieu؟ هل سيستعمل النعمة في الحلال أم يستعملها في الحرام؟ Cette grâce donnée par Dieu à lui, va-t-il l'utiliser dans le domaine du licite ou bien dans le domaine de l'illicite. وَإِنْ كَانَ شَرًّا et dans le cas d'un malheur, d'un mal, فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ بِأَنَّهَا ابْتِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ, il doit savoir aussi qu'il s'agisse d'une épreuve venant de la part de Dieu, وَعَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَى, et il doit supporter avec patience et satisfaction. فَالدُّنْيَا مَكَانُ امْتِحَانٍ, la vie entière est un lieu d'épreuve ou de test en permanence, دائم. والنتيجة et le résultat, أنك إذا كنت عاصيا ضعيف الإيمان فأعد نفسك للعقوبة. Le résultat, si tu es un désobéissant, un pécheur avec une faible foi, prépare-toi mon frère ou ma sœur à subir la punition. وعليك بالتوبة, et tu dois te repentir par la suite. وإن كنت طائعا قوي الإيمان, et dans le cas où tu es obéissant avec une forte foi, فأعد نفسك للابتلاء, prépare-toi pour subir l'épreuve. إما بالخير وعليك الشكر, soit par le bien et tu dois remercier. وإما بالشر وعليك بالصبر, ou bien par le mal et tu dois supporter avec patience. أمام المحنة التي تضرب شعبا أو فردا, devant l'épreuve ou le malheur qui frappe un pays ou un individu, لا نستطيع أن نقول مسبقا أنها عقوبة أم ابتلاء, on ne peut pas dire par avance qu'il s'agisse d'une punition parce qu'ils sont des pécheurs, ou bien d'une épreuve parce qu'ils sont des croyants. وَالَّذِي يَعْرِفَ الْجَوَابُ وَحْدَهُ هُوَ اللَّهُ, l'unique qui connaît la réponse est Dieu. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَعْرِفَ مُسْتَوَى إِمَانَ الْمُصَابِ, parce qu'il est le seul à connaître le niveau de foi de l'éprouvé. وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ, et ce dernier, ça veut dire l'éprouvé, الدعاء وطلب المغفرة والتوبة والندم وأن يتسلح بالصبر. Ce dernier ne peut que prier, invoquer Dieu, demander pardon, présenter son repentir, regretter et s'armer par la patience. وَلْيَعْرِفْ بِيَقِينَ الذي أصابه من الله. Et il doit connaître avec certitude que l'épreuve est venue de la part de Dieu et non pas son voisin et non pas son ennemi. Elle est venue de la part de Dieu. Et comme quoi l'épreuve n'est pas venue de l'homme ou de la nature. Après ceci, j'aime poser une question que je trouve importante. عرفنا سبب العقوبات هي ذنوب العباد. Nous avons connu la cause des punitions, c'était les péchés des hommes. فما سبب الابتلاء, quelle est la cause des épreuves qui touchent les croyants qui n'ont pas fait de mal? الجواب, la réponse, هو حب الله للعبد. La réponse est l'amour de Dieu pour le serviteur. نعم يا أخي ويا أختي. Oui mon frère ou ma sœur. إذا ابتليت فاعلم مباشرة بأن الله أحبك. Quand tu es éprouvé, malgré que tu es un bon croyant, une bonne croyante, sache automatiquement, directement que Dieu t'aime. نعم أحبك. Oui, il t'a aimé. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, عظم الجزاء مع عظم البلاء. La grandeur de la récompense varie selon la grandeur de l'épreuve. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. Et lorsque Dieu aime des gens, il les éprouve. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. Rapporté par l'imam الترمذي, ابن ماجه والإمام أحمد. يعني قضية الابتلاء ما هي إلا قضية حب إلهي. Ceci signifie que l'affaire des épreuves n'est qu'une affaire d'amour divin. الجواب نعم. La réponse oui. فما هو تفسير ذلك؟ Quelle est l'explication de cette chose؟ الجواب, la réponse, عرفنا بأن الابتلاء امتحان للإيمان. Nous avons appris que l'épreuve est un test de la foi. ولكننا نعرف كذلك بأن هناك علاقة كبيرة بين الإيمان وحب الله تعالى وتبارك. Mais on sait aussi qu'il y a une grande corrélation entre la foi et l'amour de Dieu. فكلما ازداد الإيمان ازداد الحب لله في قلب المؤمن. Plus la foi est forte dans le cœur du croyant, plus son amour pour Dieu est grand. والشاهد على ذلك هذه الآية. Et le témoin se trouve dans ce verset. والذين آمنوا أشد حبا لله. Or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. إذن ممكن أن نقول الابتلاء امتحان للحب. On peut donc dire que l'épreuve est un test de l'amour. بدل قولنا الابتلاء امتحان للإيمان, au lieu de dire que l'épreuve est un test de la foi. بمعنى أن الله إذا أحبك يا أخي ويا أختي. Ceci signifie que lorsque Dieu t'aime, frère ou sœur, سيجرب حبك أنت له. Il va tester ton amour pour lui. إلى أي حد يمكن أن يصل حبك لله؟ Jusqu'à quel niveau ton amour pour Dieu peut-il monter؟ يا عبدي, ô mon serviteur, هل أنت تحب نفسك أكثر مني أم العكس؟ Est-ce que tu aimes ta propre personne plus que moi ou c'est le contraire؟ يا عبدي, ô mon serviteur, هل أنت تحب المخلوقات أكثر مني أم العكس؟ Est-ce que tu aimes les créatures plus que moi؟ Ou plutôt c'est le contraire. Taqoul, tu vas dire, Ya Rab, ô mon Seigneur, ana uhibbuk akthar min kulli shay. Moi je t'aime plus que toute autre chose. Kama qala nabiyuk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce qu'a dit ton messager Muhammad, prière et salut sur lui, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime Dieu et son messager plus que toute autre chose. Idhan ya abdi falnamur ila al-imtihan. Donc mon serviteur, on va passer vers le test. وفي الامتحان سيأخذ لك شيئا مما تحب كثيرا. Et pendant le test, Dieu va prendre une chose que tu aimes beaucoup, ton fils, ta femme, ton père, autre chose, مالك, tes biens, صحتك, il va te prendre la bonne santé, ولدك, ton fils, زوجتك, ta femme, أو عملك, il va t'enlever le travail, إلى آخره, etc. والمؤمن سيقول, et le croyant va dire, يا رب خذ كل ما تريد, ô mon Seigneur, prends tout ce que tu veux. illa shay'an wahidan, à part une seule chose, la tahrimni min hubbik, ne me prive pas de ton amour, la tahrimni min qurbik, ne me prive pas de ta proximité, ana uriduka anta ya rab, moi je te veux, toi mon Seigneur, wa sa asbiru ala kull ma akhadt, et je vais supporter avec patience tout ce que tu vas prendre, wa sa ashkuruka ala ma tarakt, et je vais te remercier pour ce que tu as laissé, ya rab, anta alladhi a'taytani kull ma amlik, oh c'est toi mon Seigneur qui m'a donné tout ce que je possède, wa inni astahi al-yawm an aqula laka la ta'khudh ma a'tayt, et aujourd'hui ma pudeur m'empêche de te dire ne prends pas une chose que tu m'as donné, ya rab ana wa ma amliku laka ant, oh mon Seigneur, moi et tout ce que je possède appartenons à toi, inna lillah wa inna ilayhi raji'un kama qalat al-aya, nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous reviendrons. آخر سؤال, la dernière question, ما الفائدة من الابتلاء, quel est l'intérêt de l'épreuve, الجواب, la réponse, زيادة الإيمان, l'augmentation de la foi par l'évocation de Dieu, بذكر الله, وزيادة الحب بالقرب من الله, et l'augmentation de l'amour par la proximité de Dieu, فالمؤمن الذي فهم معنى الابتلاء, le croyant qui a bien compris le sens de l'épreuve, سيعيش مع الله, il va vivre avec Dieu. Chaque fois qu'il y a une épreuve, il va savoir que ça vient de la part de Dieu. Il va vivre avec Dieu. Seconde après seconde, pendant toute sa vie, devant la grâce, il ressent que c'est la main de Dieu qui donne. Et il va remercier. Et il va louer Dieu. Et devant le mal, il va ressentir que c'est la main de Dieu qui prend. Et il va supporter avec patience et il va louer Dieu. Et ainsi de suite. Donc les épreuves sont un remède contre l'oubli de Dieu. Et à la fin, je vous informe mes frères et mes sœurs, la mosquée doit payer la taxe foncière, wa qimatuha 35,373. La valeur de la taxe foncière est de l'ordre de 35,370 €. Les responsables de la mosquée m'ont donné les feuilles des impôts. Ils vous demandent de participer à payer cette taxe foncière. Je vous rappelle que cette belle et grande mosquée dans laquelle on accomplit nos prières, ni'ma min Allah alayna, est une grâce de la part de Dieu sur nous tous. Et on doit tous remercier cette grâce de Dieu en avançant, en donnant l'argent pour sa pérennité, et ce qu'on souhaite aujourd'hui, 10 € ou akhtar min taraf kulli muslim ou muslima, ce qui est souhaitable aujourd'hui, 10 € ou plus de la part de chaque musulman ou musulmane, wa barakallahu fil jami', et que Dieu bénisse tout le monde. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك رحمتك. اللهم ارحم الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم ارحمنا. اللهم ارفع الآلام والمحن والمصائب عن الأمة. اللهم انزل رحمتك